السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, et que le salut d'Allah soit sur notre prophète Muhammad, sur toute sa famille qui est pure, et sur tous ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les choses détestables et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Et toute chose inventée dans la religion d'Allah est une innovation religieuse, et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, Inch'Allah, donc aujourd'hui, le créneau d'aujourd'hui, dimanche, donc c'est sur le thème de la croyance, la aqidah, et le tawhid, le pur monothéisme. Comme on avait dit, tandis que le créneau de mercredi, c'est tout ce qui est fiqh, des notions de fiqh, de base, yani. Tout ce qui est explication de hadith, tout ce qui est des rappels également, Inch'Allah. Enfin, comme ça, on fait un parallèle entre croyance et acte d'adoration. Donc nous continuons sur les quatre règles qui concernent donc dans la croyance du musulman, afin qu'il comprend et qu'il peut distinguer avec clarté les ambiguïtés dont beaucoup sont tombés dedans. Tout d'abord, dans ce livret, nous avons vu ce qu'était la définition de la Hanifiyya, Millat Ibrahim, qui est la religion d'Abraham, Ibrahim, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah, sincère, tout en se désavouant de tout ce qui est adoré en dehors ou avec Allah. Puis, nous avons vu aussi les différentes définitions. Alhamdoulilah, tous les cours sont enregistrés. C'est pas devant toi. Tout le monde entend de toute façon là. Hein? مش ضروري يعني مش لا خاطر ما عندناش سي سولمون دون الكاو باسكو يوغي دي سور ديغيير ايه خاطر سي جوست لونتر نو ان شاء الله بارك الله فيكم ايه جوست سي فوز انتوندي با فو رابروشي ان شاء الله مي لو ميكرو سيتي سورتو او كاو كي اوري يو دي سور يعني بارك الله فيكم. Et donc nous avons vu donc le but de la création. Nous avons vu la première règle ensuite. Nous avons donc vu la première règle, hein, que les mécréants qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient la ferme conviction qu'Allah c'est le créateur et ils ne reniaient pas l'existence d'Allah. D'accord ? Ils aimaient Allah et ils adoraient Allah en associant leur idole pour se rapprocher d'Allah. D'accord ? Nous ne les adorons nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah. Ça c'est la première règle pour éclaircir le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani les différends qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple de Quraysh n'étaient pas sur le fait qu'ils reniaient l'existence d'Allah. Non, ils y croyaient et ils aimaient Allah et ils voulaient se rapprocher d'Allah. Cependant, ils aimaient leurs idoles comme on se doit d'aimer Allah, et ils adoraient leurs idoles afin de se rapprocher d'Allah. Mais lorsque le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le fait de vouer un culte exclusif à Allah seul, et en reniant l'adoration et en se désavouant de l'adoration pour autre qu'Allah. C'était ça le différent. Donc ça c'était la première règle. Et donc nous avons vu la deuxième règle qui consiste sur l'intercession. Et sur ce que prétendait, donc nous avons fait donc la deuxième règle. Je vais relire très brièvement la première et la deuxième, Inch'Allah, pour que ce soit bien clair avant de passer à la troisième. Donc la première règle, c'était « An ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilahum fil islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Sache, la première règle, c'est que tu saches que les mécréants qui ont combattu, que combattit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient qu'Allah ta'ala est le créateur et le commandeur, et que la reconnaissance de cela ne les fit pas entrer dans l'islam. Malgré qu'ils acceptent et qu'ils ont reconnu l'existence d'Allah, ce n'est pas suffisant pour être un musulman. Ceci est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, dans la sourate 10 Younes, la traduction du verset 31 de sourate Younes, dit « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ?» Qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront, ce sont les mécréants qui diront, Allah, c'est Allah qui fait tout cela. Donc ils acceptent cela. Comme nous avons vu dans d'autres versets, lorsqu'Allah Azzawajal ordonne aux messagers de leur dire qui vous a créé, ils répondront, c'est Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Et si tu leur disais qui vous a créé, ils répondront, c'est Allah. Donc ça, le fait qu'ils acceptent, ils reconnaissent qu'Allah est leur créateur, qu'Allah existe, n'est pas suffisant pour faire d'eux des musulmans. D'accord ? La deuxième règle, القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. La deuxième règle, c'est qu'ils disent, les mécréants, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne les invoquons, ça veut dire ces idoles, leur statue, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Ils veulent par cela se rapprocher d'Allah et ils souhaitent aussi, en les adorant, que ces statues-là, ces créatures-là, intercèdent pour eux le jour de la résurrection auprès d'Allah. Donc le fait qu'il leur demande le rapprochement d'Allah est indiqué par la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset 3 de sourate Az-Zumar, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. » Mais aussi dans la deuxième règle, donc l'auteur donne les preuves, ou dalil al-shafa'a, donc la preuve, le fait que ces polythéistes demandent l'intercession. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. D'accord ? Le fait qu'il leur demande l'intercession est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. D'accord? La traduction du sens du verset 18 de Sourate Younes. Et nous avons expliqué, donc, les types d'intercession. Il y en avait une qui était confirmée, l'autre qui était niée. D'accord? Wa shafa'a shafa'atan. Donc nous avons vu l'explication des savants dans le détail dans cela. Donc il y a deux types d'intercession, l'une qui est niée et l'autre qui est confirmée. D'accord ? فالشفاعه المنفيه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. L'intercession qui est niée, c'est celle qui est demandée à un autre qu'Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 254 de Sourate Al-Baqarah, « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession, et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » والشفاعه المثبته donc l'intercession qui est confirmée هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعه والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه l'intercession confirmée c'est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder et dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Et elle ne se fait qu'après la permission d'Allah, Azza wa Jal, comme il le dit dans la traduction du sens du verset 255 de Sourate Al-Baqarah, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. D'accord ? Donc, ça c'était... Nous avons vu en fait la majorité de l'explication de la deuxième règle par le savant Sheikh Mohammed Ibn Al-Jami, rahimahullah. Et il y a un point en fait que j'ai trouvé essentiel de rajouter, qui est de l'explication de Sheikh Ubayd Jabri, hafidahullah. Puis ensuite nous allons continuer avec l'explication de Sheikh Mohammed Ibn Al-Jami, rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il avait dit à la fin, Sheikh Mohammed Ibn Al-Jami, rahimahullah, pour résumer la compréhension de cette deuxième règle, le fait qu'il demande l'intercession auprès des statues et des idoles. وهذه القاعدة الثانية نلخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق هذا ملخص القاعدة الثانية مرة أخرى هذا الشيخ يعني يعود عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع هذه القاعدة الثانية وعرفتم الدليل. D'accord. Donc il avait dit que le fait que les polythéistes adorent ces statues-là, adorent ces idoles-là, c'était dans le but qu'ils voulaient, qu'ils espéraient se rapprocher d'Allah, et que eux, ces idoles-là, ils pensaient qu'en les adorant, eh bien, ils intercéderont pour cela, le jour de la résurrection. Mais ils ne les adoraient pas, dans le sens où est-ce qu'ils pensaient qu'en les adorant, c'était eux qui pouvaient créer, ou c'était eux qui pouvaient nuire, ou c'était eux qui pouvaient donner à quelqu'un un bénéfice. Ils ne les adoraient pas pour cela. Ils les adoraient juste pour le fait qu'ils pensaient qu'eux pourraient intercéder pour ces statues-là pourraient intercéder pour eux. Et non pas, ils les adoraient parce qu'ils se disaient qu'eux, ils peuvent créer ou ils peuvent nuire ou ils peuvent donner un quelconque bénéfice. D'accord ? C'était pour cela. قال العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ويجمع الشرطين أعني الإذن والرضا من الله للشافع والمشفوع فيه. Il a rajouté en fait une preuve ici, le Sheikh عبيد الجابري. Parce que quelles sont les conditions, comme on avait vu, les conditions pour que l'individu reçoive l'intercession, et quelles sont les conditions pour qu'une personne peut intercéder. Quelles sont les conditions? Elles sont au nombre de combien? Donc quelles sont les conditions pour que l'individu puisse intercéder pour les gens, et quelles sont les conditions, d'accord, pour que celui qui reçoit l'intercession la reçoive. Elles sont au nombre de combien? Non. Elles sont nombreuses? Oui. Donc ici, c'est quelles conditions, celle-là? L'idn, la permission. D'une part, il faut la permission d'Allah, Azza wa Jal. D'accord ? D'autre part, qu'est-ce qu'il faut ? Il y en a deux conditions. Il faut qu'Allah, rida, rida ou l'idn. Il faut qu'Allah, déjà, agrée les paroles et les actes de tel individu, et comme on avait vu dans l'explication, il faut que les paroles n'opposent pas ce qui est dans le cœur, et ce qui est dans le cœur n'oppose pas les paroles. D'accord ? Donc Allah agrée les paroles et les actes d'un individu, d'accord ? De ce musulman-là. Et en plus de cela, il ne peut intercéder qu'après la permission d'Allah Azzawajal. D'accord ? Et nous avons vu dans le détail, lorsque nous avons vu le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il va intercéder, combien de fois il va intercéder ? La shafa'a qu'il va faire, elle sera au nombre de combien ? Trois. Trois, barakallahu fik. Trois fois il va intercéder cette shafa'a-là. Ou est-ce que les gens iront, comme on avait vu, voir les prophètes dans leur ordre ? Ils iront voir tout d'abord Adam, puis nous, puis jusqu'à Moussa, Ibrahim, Moussa, Isa, d'accord ? Jusqu'au, tous diront Lestu laha nafsi nafsi. Je ne peux pas intercéder. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ana laha. Pourquoi on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que Ana laha, yani moi je peux le faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui l'en a informé. C'est Allah qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui peut intercéder. Et donc il pourra dire alors, moi je pourrais intercéder, puisqu'Allah lui a donné cette information-là. D'accord ? Barakallahu fik. Exactement. D'accord ? Puisque Allah azzawajal l'en a informé. Et donc il dira, je peux. Et maintenant, comment peut-il intercéder ? Que doit-il faire ? Quelle est la demande de permission ? Comment est cette demande de permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Dua, mais comment exactement ? Sujoud. Sujoud, barakallahu fik. Il devra faire une longue prosternation à Allah Azza wa Jal, pour Allah Azza wa Jal. Il devra se prosterner devant Allah Azza wa Jal, une longue prosternation. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal le laissera comme ça une longue période, dans laquelle il fera beaucoup d'invocations mentionnant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Puis Allah Azza wa Jal lui dira de lever sa tête et qu'il pourra intercéder. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné dans le hadith que Allah azza wa jal, qu'Allah le Très-Haut, lui donnera un nombre limité de personnes. D'accord ? Donc, lorsqu'on avait vu dans le détail cette explication-là, pour montrer clairement que l'intercession, le shafa'a, elle n'appartient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Elle n'appartient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut la demander à qui ? Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas la demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que d'une part c'est du shirk, invoquer ou demander autre qu'Allah. Il faut la demander à Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la possède pas. Allah Azza wa Jal l'informe qu'il pourra intercéder. Et Allah Azza wa Jal lui donne la permission après cette longue prosternation. Puis Allah Azza wa Jal lui donnera un nombre limité de gens pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder. Et cela se répétera trois fois. D'accord ? À chaque fois, il lui donnera un nombre limité de gens. D'accord ? Donc ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui choisit qui il veut. C'est Allah azza wa jal qui lui donne un nombre limité. Vous voyez ? Donc ça, les conditions donc de la shafa'a, c'est le fait qu'Allah azza wa jal agrée de la personne ses paroles et ses actes. D'accord ? Et vous vous souvenez du hadith rapporté par Abu Hurayra qui avait demandé... Qui sont les gens qui seront à même de bénéficier de ton intercession ? Man as'adun nas bi shafa'atika ya Rasulallah. Hein ? Il répondra : Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Celui qui dira : Nulle divinité ne mérite l'adoration, toute vérité excepté Allah, sincèrement de son cœur. D'accord ? D'accord ? Sincèrement de son cœur. Donc, on avait vu que sincèrement de son cœur, ça voulait dire quoi, sincèrement de son cœur ? Non ? Barakallahu fik. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la parole est confirmée par les actes. L'individu, il ne recherche qu'Allah par cela. Qu'Allah azza wa jal par cela. Ce qu'il dit, d'accord ? Est en conformité avec ce qu'il fait. Donc ce n'est pas juste de répéter, comme on avait dit, autant de fois qu'on veut, la ilaha illallah, sans comprendre le sens, sans comprendre les conditions, sans comprendre sans adorer Allah et en pensant qu'on dit la ilaha illallah et c'est suffisant. Et en pensant qu'on est sincère et en pensant que subhanallah. Subhanallah. C'est vrai qu'on doit réfléchir parfois dès qu'on pense à ça. Dès qu'on lit le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation là, hein? Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Subhanallah. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi. Que je t'associe quoi que ce soit, alors que je sais. Ou que je t'associe quoi que ce soit et que je ne sais pas. Je recherche refuge auprès de toi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait cela. Subhanallah. La meilleure des créatures. Le guide pour toute l'humanité. Il craignait Allah azza wa jal. Alors nous, on ne peut pas venir comme en 2015 et se dire « je suis sincère ». On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs et dans les poitrines. Barakallahu fikum. Donc ce n'est pas juste le fait de le dire. Voilà, de l'individu, quoi qu'il fasse comme action, il craindra que ses actions ne sont pas acceptées. Subhanallah. L'imam Ahmed, rahimahullah, alors qu'il était en train de mourir, l'imam Ahmed, qui est surnommé imam Ahl Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah, car il a fait face à la fitna, aux troubles qui étaient dans son temps, parce que les gens voulaient changer la croyance en disant que le Coran a été créé, parce qu'il y avait un groupe qui disait il faut renier tous les noms et attributs. Et comme le Coran c'est quoi? C'est quoi le Coran? C'est Kalamullah, barakallahu fik, c'est la parole d'Allah. Et le Kalamullah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sifa min sifatillah, ça fait partie d'un des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc eux, comme ils ont renié tous les noms et attributs, ils ont aussi renié le fait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Et eux, c'est par précaution, ils voulaient faire le bien. Vous voyez, subhanallah. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, donc, en fait, on va dire que c'est Allah Azza wa Jalla, il a créé une voix qui a dit ce Coran-là. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés à dire que le Coran a été créé. Vous voyez? Donc regardez la fitna, c'est pas quelque chose de facile, hein. Le gouverneur, il ordonnait aux savants de ce temps-là de dire cela. Et il les exécutait s'ils refusaient. Subhanallah. Et il a été martyrisé, l'imam Ahmed. Pendant qu'il jeûnait en plein mois de Ramadan, il se faisait torturer dans sa prison. Parce qu'il a refusé de dire que le Coran est créé. Hein? Il leur disait, rapportez-moi une preuve du Coran et de la Sunna pour que je puisse l'affirmer. Subhanallah. Hein? Et malgré cela, les gens venaient lui voir. Hein? Subhanallah. Parfois, c'est bien aussi de faire les biographies de savants parce que vous voyez, ça donne un peu de. Subhanallah. Un homme est venu voir l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On va fermer la parenthèse après, inchallah. Il lui a dit, tu as une femme, des enfants. Dis que c'est la création d'Allah pour que tu puisses vivre ta vie et puis pour que tu puisses être libre. Tu as une femme et des enfants. Pense à ça. Hein? Au lieu de rester, et puis on te torture, et puis en plus t'es en plein jeûne. Il l'a regardé, il lui a dit, si cela est ton niveau de pensée, tu vivras heureux. Subhanallah. Tu vivras heureux. Dans l'ignorance, subhanallah. Pourquoi? Parce que le musulman, il se soucie tout le temps de sa religion. Il se soucie tout le temps de sa relation avec Allah Azza wa Jal. Il a tout le temps peur. Et si Allah nous facilite, inshallah, on fera les attributs des hypocrites, et vous verrez dans cela, subhanallah. Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui craignait l'hypocrisie sur lui. Il craignait qu'il faisait partie de la liste des hypocrites. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait affirmé qu'il faisait partie des gens du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur la montagne, avec Othman ibn Affan, avec Abi Bakr al-Siddiq, et avec Omar ibn Khattab radiallahu anhu majma'in, il avait dit, et puis la montagne d'Uhud avait tremblé, il avait dit, Othbot ya Uhud, sois ferme, ô Uhud, tu as sur toi, au-dessus de toi, tu as un prophète, un messager, un envoyé d'Allah, un siddiq, un véridique, pour Abu Bakr al-Siddiq, et deux martyrs. Subhanallah. Et Othman ibn Affan, vous savez, a été tué en martyr. Ils lui ont tranché la tête. Et Khawarij. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a été tué lors de Salat al-Fajr. par quelqu'un, qui est un adorateur du feu, qui s'est fait passer pour un musulman et s'est mis juste derrière lui. Tout ça pour, on ferme la parenthèse, c'était pour parler. Subhanallah, vous voyez le degré du prophète Muhammad, de la foi, barakallahu fi, et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré le degré que le prophète, qu'Allah azza wa jalla a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne détient pas l'intercession. Seul Allah azza wa jalla la détient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une créature et c'est la meilleure des créatures. Mais il ne détient pas l'intercession. Et l'invocation ne doit être faite qu'à Allah seul. D'accord ? Donc, le Cheikh Ubaid, hafidhullah, avait mentionné donc que dans la condition de l'intercession, les deux conditions, c'était l'agrément d'Allah et la permission. D'accord ? Il avait mentionné donc قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc le Cheikh Ubaid avait rajouté ce verset pour mentionner que les deux conditions sont dans ce verset là. Elles sont prouvées dans ce verset là. Dans sourate An-Najm, d'accord, dans la traduction du sens du verset 26. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qui il agrée. En faveur de qui il veut et qui il agrée. D'accord ? وها هنا يجب التنبيه إلى أمرين. Et ici, nous devons attirer votre attention sur deux points. أقسام الناس في الشفاعة. فإن من استعرض ما تضمنت ما تضمنه الكتاب والسنة من أحوال الناس في هذه المسألة ظهر لهم أنهم ثلاثة أقسام. Donc, il y a deux points ici qu'il veut mentionner. Il y a dit déjà, lorsqu'on voit dans le livre d'Allah et dans la Sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois catégories de gens concernant ce sujet de la shafa. أحدهما أحدهما الغلاة في إثبات الشفاعة هؤلاء القبوريون وغلاة الصوفية الذين يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في حق من يزعمون لهم الولاية في الدنيا والآخرة وهؤلاء مشركون. Donc il a dit, le premier point, la première catégorie, ce sont ceux qui tombent dans l'extrême, les extrémistes, les exagérateurs, qui confirment complètement l'intercession pour ceux qu'ils prétendent qu'ils sont des awliyas, des alliés d'Allah dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il a dit cela, hein, qui sont-ils? Ce sont ceux qui adorent les tombes en disant que, eh bien, ce sont des awliyas, des walis, tu vas aller le voir et tout ça, et aussi parmi les extrémistes, parmi les soufis. Et ceux-là sont des polythéistes. Ceux qui tombent dans les extrémistes comme ça, ce sont des polythéistes. Comme ceux qui croient qu'Allah, le créateur et la créature, ne font qu'un. Ça, c'est du shirk. Et les ulama, ils ont dit que c'était pire que la mécréance des mécréants. Ils sont doublement, subhanallah, pourquoi ? Le fait de dire que la créature et le créateur ne font qu'un. D'accord ? Donc celui, parce qu'il y en avait, subhanallah, ils disent, lorsqu'ils voient un arbre, ils voient c'est Allah. Et ils ont écrit même dans leur livre, ils ont dit, celui qui invoque la vache, en vérité est en train d'invoquer Allah. Et ils ont dit que Pharaon avait raison, dans leur livre, ils ont dit que Pharaon avait raison. Et que Moussa avait tort, il aurait dû le suivre. Parce que s'il aurait obéi à Pharaon en disant que je suis votre Seigneur, en adorant Pharaon, il aurait adoré Allah. A'oudou billah. Donc ça, c'est dans les extrémismes, ça, tu vois. Ça, c'est dans les extrémismes. Et barakallahu fikum, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est pas l'extrémisme. L'islam, c'est la voie du juste milieu. Celui qui essaie de tomber dans une extrême, la religion le vaincra. Et souvent, ceux qui tombent dans les extrêmes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont dans l'enthousiasme et tout ça, et ils tombent jusqu'à en tomber dans l'extrême sans suivre la voie droite, d'une rapidité telle que, tu vois la rapidité, comment ils sont rentrés et tout ça, et bien d'une rapidité telle qu'ils en ressortent. Subhanallah. Vous voyez? C'est pas comme ça. Religion, barakallahu fikum, elle s'apprend avec patience. Il faut du temps pour apprendre. Il faut se donner de la patience. Et il faut être sérieux et sincère envers Allah Azza wa Jal, qu'on recherche la vérité et qu'on veut vraiment s'éduquer pour se rapprocher d'Allah. Parce que vous voyez, lorsqu'on ne veut pas prendre ce temps-là, Et lorsque les gens veulent griller les étapes, comme on voit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui actuellement en France. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'on en est arrivé à quel point? Subhanallah. Les gens, ils veulent griller complètement les étapes. Certaines personnes sont nées dans une famille musulmane, ne pratiquent même pas l'islam. Puis du jour au lendemain, ou la semaine d'après, il est métamorphosé et il fait le takfir sur tous les individus qui viennent. Puis ils se mettent à faire n'importe quoi. Vous voyez ce qui se passe là, ce qui s'est passé hier soir, là, avant-hier soir, barakallahu fikoum. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui sortent et qui vont. Barakallahu fikoum, billahi alaykoum. Moi j'aimerais que ces gens-là, ils viennent, d'accord? S'ils sont sincères envers Allah Azza wa Jal, ils viennent et qu'ils me montrent les preuves du Coran et de la Sunna, comme l'ont compris les sahabes. Qui me ramènent les preuves? Ils passent leur temps à faire quoi? Ils passent leur temps, leur ilm c'est quoi? C'est Facebook, Internet. Hmm? Où est-ce que c'est? Mais est-ce qu'ils ont lu Sahih al-Bukhari, les différents volumes? Est-ce qu'ils ont lu Sahih Muslim? Là, on ne demande même pas d'avoir étudié auprès de Mashaykh. Là, on dit, est-ce qu'ils ont lu les hadiths? Comment un individu qui lui-même, le hadith, juste ce hadith-là, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit, lorsqu'il était en bataille, une bataille qui est légiférée, barakallahu fikum, parce que le gouverneur des musulmans, c'est qui? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas monsieur X individu qui veut faire quelque chose. Et c'est qui c'est qui combattait? Il combattait une armée qu'il avait en face de lui. Ne touchez pas aux arbres, ni aux vieillards, ni aux enfants. Subhanallah. Et vous entendez des témoignages d'une femme qui disait qu'elle était enceinte et puis l'autre qui continue à lui tirer dessus. Hawla la quwwata illa billah. On va refaire la parenthèse. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'à chaque fois qu'une personne veut tomber dans l'extrémisme, le problème c'est quoi? C'est qu'il tombe dans ces extrêmes-là sans comprendre les tenants ni les aboutissants des choses. Il pense que ce qu'ils font c'est bien. Hein? قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Devrais-je vous informer de ceux qui sont les pires des perdants? Dans sourate Al-Kahf, vers la fin. Les pires des... qui sont-ils? Ceux qui se sont égarés dans la vie d'ici-bas en croyant qu'ils faisaient de bonnes actions. En croyant qu'il faisait de bonnes actions. Attends, maintenant, lorsqu'on lit ces extrémistes-là, là, peu importe, l'individu qui va adorer une tombe, hein, il va justifier en fait ce qu'il fait. L'individu qui va commettre ses crimes ou ses meurtres, peu importe, hein, il va justifier ce qu'il fait en pensant que c'est bien et tout, ça fait bien, ou moi j'ai pas peur, et un tel il a peur, ou il a peur de parler de ça, subhanallah. Yani, ils connaissent même pas les niveaux de jihad. Le premier niveau, c'est déjà jihad al-nafs. Premier niveau. Ça, c'est le premier. Et les ulama, ils ont dit que tu vois, dans les quatre niveaux, dans les cinq niveaux de jihad, tu ne peux pas passer au cinquième, au dernier, sans avoir déjà fait les premiers. Qui est jihad al-nafs, tu dois te battre, lutter contre ta propre âme. Forcer ton âme, comme on avait fait un cours dessus, hein, le lutter contre son fort intérieur, tu dois forcer ton âme à s'éduquer dans la religion. Tout d'abord, à forcer ton âme à appliquer ce que tu as appris. Forcer ton âme, ensuite, à transmettre ce que tu as appris. Mais vous voyez, entre cela, il y a du temps. Hein. C'est pas en une semaine, c'est pas en deux jours. Hein? Et le dernier point, c'était forcer son âme à patienter face à ce qui va résulter de cet appel vers la vérité. Il y a beaucoup de gens, ils vont pas aimer la vérité. Et donc, ils vont te nuire, ils vont te faire des problèmes, ils vont te faire... Tu vois? Et donc, à toi de patienter. On ne rend pas un comportement mauvais par un comportement mauvais. Non. Tu invites à qui? Tu invites à Allah. Tu n'invites pas à ton secte ou à ta groupe ou à ton, je sais pas quoi. C'est, ou à toi. Tu invites à Allah. Donc, si tu es sincère et tu invites à Allah, tu dois patienter face à ce qui se passe. Face à ce comment les gens ils vont agir avec toi. Tu vois? Face aux insultes ou quoi que ce soit. Tu vas patienter. وَإِنْ تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et si vous patientez, et si vous patientez et vous craignez Allah comme il se doit, c'est la meilleure résolution à prendre. D'accord? Meilleure résolution à prendre. Donc déjà, lorsque la personne elle aura fait ce niveau-là, hein, subhanallah, après, il y a le jihad contre qui? Contre le shaitan, contre le diable. Subhanallah. Contre le diable déjà. Il va essayer de te tenter de faire ça, de t'écarter du groupe, de la prière, il va te faire des... Tu dois à chaque fois essayer de le vaincre. Ensuite, c'est quoi? Contre les hypocrites. C'est comment contre les hypocrites? Avec les preuves. Avec les preuves. Et je mets au défi que ceux qui essaient de mentir sur cela et qui ramènent leurs preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était... L'hypocrisie, elle est apparue à Médine. Il n'y avait pas d'hypocrisie à la Mecque. À Médine. Des compagnons étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mal que les hypocrites causaient aux musulmans. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Je ne vais pas les combattre avec les armes, car les polythéistes de Quraysh risquent de dire, regardez, Mohammed est en train de tuer ses compagnons. Subhanallah. Hein? Il a patienté avec eux. Abdallah ibn Ubay ibn Seloul, c'était un mécréant parce qu'il avait l'hypocrisie majeure. La tête de l'hypocrisie. C'était le premier hypocrite, lui. Alors qu'il a été, yani il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son linceul au fils de Abdallah ibn Ubay ibn Seloul. Il s'appelait Abdallah ibn Ubay ibn Seloul. C'était un des compagnons sincères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fils de sa tête d'hypocrisie, c'était un compagnon sincère du prophète. Il lui a donné le linceul, il lui a fait la prière dessus. Omar ibn Khattab lui avait dit, mais Allah a interdit qu'on prie sur les hypocrites et les mécréants. Et il l'avait fait et Allah Azzawajal avait donné raison à Omar ibn Khattab. Regardez la patience, subhanallah. Hein? Ensuite, après cela, et avec les mécréants, c'est comment? En montrant les preuves et en les invitant à l'islam. Vous voyez le travail qu'il y a à faire déjà. Hein? Le travail qu'il y a à faire pour arriver à ce niveau-là. Le jihad avec les armes, c'est sous l'autorité d'un gouverneur musulman qui l'ordonne à son armée, qui tient les rênes de son pouvoir. C'est pas freestyle, c'est pas un tel qui fait je sais pas quoi et qui fait ce qu'il veut. D'accord? Subhanallah. Nous, on a, yani, notre religion, c'est l'islam. C'est pas l'anarchie. Eux, ces gens-là, leur religion, c'est l'anarchie. D'accord? Ceux qui disent ni Dieu ni maître, ça c'est à eux, ça. C'est pas à nous. Nous, nous sommes musulmans. Allah Azza wa Jalla, il a légiféré sa religion. Tout est légiféré. Donc vous voyez déjà tous les niveaux. Les gens ne savent pas différencier entre ce qui est obligatoire dans la salette et ce qui est non obligatoire dans la salette, et ils commencent à faire des choses et à agir et à faire des choses en prétendant quoi? En prétendant qu'ils défendent la religion. Ce sont les premiers ennemis de l'islam, ceux-là. Moi, je les considère comme cela. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train de bloquer le sentier de la da'wah à Allah. Et ils causent du tort aux musulmans. Va prendre l'avion, on va te regarder de travers. Subhanallah. Vous voyez le jour même, là, juste, ça s'était passé la nuit. Le lendemain, je vais au magasin, je t'habille, tout le monde regardait. Alors quelques jours auparavant, ils se concentraient pas, tu vois. Et là, ils commençaient, tac, à... Hawla wa. C'est pour ça qu'il faut patienter avec le ilm, barakallahu fikum. Et lorsqu'on essaie d'étudier la croyance, c'est pour enlever tous les équivoques. Hein? Qu'est-ce qu'il disait le cheikh, barakallahu fikum? Il disait, lorsque vous étudierez correctement la croyance, lorsque la croyance sera claire, subhanallah, il faut d'abord commencer avec cela pour qu'il soit clair, tout sera clair après. Barakallahu fikum. Comme Allah Azza wa Jal dit, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ أَنَا وَمَنِ اتَّبِعَنِي وَسُبْحَانَ وَمَا أَنَا مِنِ الْمُشْرِكِينَ. Donc, j'invite à Allah. Voici ma voix. J'invite à qui? J'invite à Allah. Moi et qui? Et ceux qui me suivent. Qui sont ceux qui le suivent? C'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ad'a ila Allah ala basira. Avec ilm, avec savoir, avec science. J'invite à Allah avec science. Pas avec jahl ou pas avec je crois que c'est bien. D'accord? L'histoire de je crois que c'est bien, on l'enlève de notre vocabulaire et de notre thème. On ne sait pas, on ne fait pas, on va demander. Tu vois? C'est pas, je pense qu'il n'y a pas de problème dans cela. Non, on va demander. Tu vois? Ça, c'était la première catégorie. Ceux qui tombent dans les extrêmes et qui pensent que l'intercession, n'importe qui peut la faire. On va faire la parenthèse. Fani, justement, on en a parlé. El Khawarij, ou El Mu'atazila, ou Man Lafa Lafa min Ahlil Bida, ou Hum Al-Ladina Yunkiruna Shafa'a fi Ahlil Kabair min Al-Muahidin. Donc, ça, c'est le deuxième type de gens. Donc il y en a. Le premier type, c'est quoi? Ce sont ceux qui pensent que ils confirment que ceux qu'ils vénèrent et ils adorent et ils font tout, hein, eh bien eux, ils peuvent intercéder et eux, ils ont l'intercession et tout ça. Alors qu'on avait vu que c'était faux ça. Il n'y a qu'Allah qui l'a détient. Le deuxième, c'est quoi? Ce sont ceux qui renient. Ils disent que ceux parmi les monothéistes qui ont fait des grands péchés, eh bien, n'auront pas le droit d'intercession. Ça, ce sont les Khawarij. Les Khawarij, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les terroristes et tout ça. Les Khawarij et les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ce sont ceux, hein, du temps de, notamment de la fête de l'imam Ahmed, qui ont renié tous les noms et attributs d'Allah. Ceux, l'i'tizal, la fête de l'i'tizal, c'est quoi? C'est qu'ils ont renié tous les noms et attributs d'Allah. Pourquoi? En pensant qu'ils faisaient bien par précaution, ils disaient. Subhanallah. Donc eux et les Khawarij, eh bien, ils renient que celui qui fait un grand péché pourrait bénéficier de l'intercession. Ainsi que les gens de l'innovation là, religieuse. Wal-qismu thalith, la troisième catégorie, c'est qui? Donc là, on a vu deux extrêmes. Qismu thalith, wa huwa qismu al-wasat. Ahlu sunna wal-jama'a. Les gens de la sunna et du consensus. Ceux qui se tiennent à quoi? Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les sahaba disent. Pourquoi tu fais cela? Voilà ma preuve. Pourquoi tu fais cela? Voilà ma preuve. Pourquoi tu fais cela? C'est pas je pense que, mais en fait, vous avant, vous, je sais pas quoi. Non. On se tient là où Allah azza wa jal a commencé et a terminé. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. On se tient là. Là où les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont compris comme cela et l'ont transmis aux générations suivantes. D'accord? On se tient à cela. D'accord? Ce sont les gens de la sunna et du consensus. Ceux qui attestent et témoignent de l'intercession des deux conditions que nous avons vues. C'est-à-dire qu'il faut qu'Allah, comme c'est prouvé, agrée les paroles et les actes du musulman qui va intercéder et de celui qui recevra l'intercession. Et Rida. Et que Allah Azza wa Jal donne la permission à celui qui intercédera. D'accord? L'agrément d'Allah et sa permission. La troisième règle. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dhahara ala unas mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-anbiya wa al-salihin wa minhum man ya'budu al-ashjar wa al-ahjar ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. La troisième règle, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait qui adoraient les anges, d'autres les prophètes et les pieux, d'autres les pierres et les arbres, d'autres le soleil et la lune. Malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les combattit tous sans distinction. Ceci est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. هذه القاعدة ملخصها فيما يأتي شيئين مجمل ومفصل. Ça c'est encore la parole de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah. فالمجمل يتضمن نقطتين. النقطة الأولى أن الجامع بين هؤلاء وإن اختلفت معبوداتهم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن من اتخذ ندا لا يقبل منه دعواه الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. Allah la yaqbalu al-ibada hatta takuna khalisan kulluha lillah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette règle, il y a deux points, dit le Cheikh. Un point général et un point détaillé. Dans le point général, il y a deux choses à souligner. Le premier point, c'est ce qui unit ceux qui adorent les anges ou ceux qui adorent les étoiles, ou ceux qui adorent les prophètes, ou ceux qui adorent la lune, ou ceux qui adorent le soleil, ou ceux qui adorent les statues, ou ceux qui adorent les pierres, ou les animaux, peu importe, d'accord? Qu'est-ce qui les réunit? C'est quoi qui les réunit? Qu'est-ce qui les réunit? Shirk, barakallahu fik, c'est le fait qu'ils associent quelque chose à Allah. Peu importe leur adoration. Ils vouent une adoration à autre qu'Allah. Ça, c'est le polythéisme qui les réunit. D'accord ? Par cela donc, nous savons que quiconque prend un associé à Allah, le Très-Haut, donne un associé à Allah, le Très-Haut, en dehors, en adorant avec Allah ou en dehors d'Allah, rien de ce qu'il fait, hein, ne lui est accepté auprès d'Allah. Même s'il se prétend être musulman, même s'il prie, même s'il jeûne, d'accord ? Rien de ses œuvres n'est accepté, d'accord ? Car Allah n'accepte aucune œuvre jusqu'à ce qu'elle soit faite uniquement pour Allah Azza wa Jal seul. D'accord ? النقطة الثانية الاستدلال بآية الأنفال على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء ولم يفرق بينهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء حتى يجتمعوا كلهم على عبادة معبود واحد لا حق لأحد في العبادة سواه وهو الله سبحانه وتعالى ويكون الدين كله لله. D'accord. Le deuxième point, dans ce qui est général, c'est la preuve apportée du verset de sourate Al-Anfal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam combattit tous ces polythéistes sans différencier entre eux. C'est comme dit le cheikh Ubayd, Hafidhahullah, lorsqu'il dit ce que l'introduction du sens du verset est combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah, puis s'ils cessent, ils seront pardonnés car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. D'accord ? Le sens étant qu'Allah le Très-Haut a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre jusqu'à ce qu'ils se réunissent tous à n'adorer que celui qui mérite en toute vérité l'adoration. Allah seul, qui c'est qui mérite seul l'adoration, c'est Allah Azza wa Jal. Et que la religion soit entièrement à Allah Azza wa Jal. C'est ça le but, là. Dans le fait qu'Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. D'accord ? Et le but lorsque... C'est pour ça que, entre parenthèses, lorsqu'on entend par exemple dans les médias le djihadisme, je sais pas quoi, ils associent le mot djihad à stop djihadisme, stop. Faut pas mélanger les choses. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ne connaissent rien de la religion et des termes à utiliser. D'accord ? Le djihad fait partie de la religion, barakallahu fikum, mais ça fait partie d'un des grands actes d'adoration de la religion. Mais il a des conditions, et comme nous l'avons expliqué précédemment, barakallahu fikum. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que, quel est le but du jihad ? C'est le fait que la voix d'Allah soit la plus haute, et non pas la plus basse, et en bloquant le sentier de la da'wa à Allah, azawajal, comme font ces ignorants et ces égarés. D'accord ? Donc, lorsqu'Allah azawajal ordonne à son prophète, alayhi salat wa salam, de les combattre, jusqu'à ce qu'ils délaissent leur adoration pour autre qu'Allah, et qu'ils se réunissent tous à unifier Allah dans l'adoration. Que la religion soit entièrement Allah Azza wa Jal seul. أما وأما المفصل فيما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة وهي صريحة وواضحة في اختلاف المعبودات المشركين من دون الله سبحانه وتعالى. Donc tandis que le deuxième point concernant ce qu'il a, parce que le premier point c'est général. Deuxième point qui est plus détaillé, ce sont les preuves détaillées et claires qu'a apporté l'auteur montrant les différents types d'adoration des polythéistes en dehors d'Allah le Très-Haut. C'est ce que Al-Musannif a dit: والدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil et la lune, dans la traduction du sens du verset 37 de Sourate Fussilat, parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Et si c'est lui que vous adorez. D'accord ? قال العلامة الشيخ محمد أمان الجامي rahimallah. Là maintenant j'ai pris l'explication de Cheikh Mohammed Amin al-Jami rahimallah, parce qu'il a détaillé en fait tous ces points-là, toutes ces preuves. Tandis que Cheikh Ubayd, il est passé directement à la fin de la troisième règle concernant le hadith D'accord, de Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu. قال العلامة الشيخ محمد بن الجامي رحمه الله ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع الناس من المبالغة فيه وهو سيد الناس والسيد ولد آدم مع ذلك إذا قال له قائل أنت سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا ينهى عن ذلك ويقول له قولوا عبد الله إنما أنا عبد الله ورسوله ولما قال الرجل قال له أحد الصحابة ما شاء الله وشئت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في النهي فقال أجعلتني لله ندا والمسألة واضحة ليس في ذلك نفي للمشيئة فرسول الله صلى الله عليه وسلم له مشيئة وجميع العباد لهم مشيئة إلا أنه ربط مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صواب أن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئته comme l'avons vu dans un cours précédent barakallahu fikum. Donc le savant Cheikh Mohamed Ibn al-Jami rahimahullah a dit nous savons que l'envoyé d'Allah عليه الصلاة والسلام interdisait à ce que les gens exagèrent vis-à-vis de lui. D'accord ? Lorsqu'il s'adressait à lui. Alors que l'envoyé d'Allah, c'est la meilleure des créatures. Il n'y a pas de doute sur cela. C'est la meilleure des créatures, l'envoyé d'Allah. Mais lorsque certains compagnons parlaient avec lui, ils n'acceptaient pas qu'ils exagéraient dans le fait comment le statut qu'il lui donnait. D'accord ? Il leur ordonnait de dire, dites que je suis, parce qu'il leur disait, tu es notre maître. Ô messager d'Allah, tu es notre maître. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, leur ordonnait de dire qu'il est le serviteur d'Allah et son messager, et son envoyé. Et lorsqu'un des compagnons lui dit, ce qu'Allah veut et ce que tu veux, et ce que tu veux, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam, a répondu sur cela d'une manière forte et claire, en répondant, as-tu fait de moi un associé à Allah ? Parce que le fait qu'il a utilisé « Ouais, masha'Allah, ouais, shi'ta » et ce que Allah veut et ce que tu veux. Et dans cela, dit le cheikh, il n'y a en rien une négation de la volonté. Ça ne veut pas dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de dire cela, que ça veut dire qu'il a renié que lui avait une volonté. Non, il a une volonté, et les gens ont une volonté. D'accord ? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que ce qu'Allah veut. D'accord ? Allah Azza wa Jalla a clairement affirmé que les gens ont une volonté. Ils ne pourront faire les choses qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ce qu'a reproché l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam, à ce compagnon, c'est d'avoir utilisé le mot « et », ouais, en arabe. Lorsqu'il a dit ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Car cela est interdit, et ce qui est correct de dire, c'est ce qu'Allah seul veut. Ou bien dire ce qu'Allah veut, puis ce que tu veux. وَأَمَّا غَيْرَ الصَّالِحِينَ يَشْمَلَ الْحَيَوَانَاتِ وَالشَّيَاطِينَ وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ في واقعهم إنما يعبدون الشياطين التي يزين لهم تلك العبادة. En dehors des hommes pieux, comme les prophètes, les alliés d'Allah, il y a, en dehors de cela que les gens adorent, il y a les animaux, il y a les diables, il y a les djinns, il y a les arbres, les pierres, et en toute vérité, ils adorent en fait les diables qui leur ont embelli ces adorations. D'accord ? Donc ceux qui adorent les hommes pieux et ceux qui adorent les autres choses en dehors des hommes pieux, il n'y a pas de différence entre eux. Entre des gens qui adorent des hommes pieux et des gens qui adorent autre que des hommes pieux, c'est-à-dire que ce soit des animaux, des pierres, il n'y a pas de différence entre eux. D'accord ? C'est pas parce que ceux-là ils adorent des hommes pieux qu'ils sont mieux ou quoi que ce soit. Non. Il n'y a pas de différence, parce que les deux groupes adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Les deux groupes adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la pire des injustices. Et Allah Azzawajal ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à qui on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela. الصالحون من أولياء الله تعالى لهم مكانة عند الله ولكن في هذا الاعتقاد لا فرق بينهم في اعتقاد ترك العبادة لهم لأن الكل لا يستحق العبادة الصالح وغير الصالح نبي ولي ملك كل لا يستحق العبادة Donc, que ce soit un homme pieux ou que ce soit autre chose qu'un homme pieux, des créatures, yani, des pierres, des animaux, de tout ce que vous voulez, d'accord ? Dans les deux cas, bien que les hommes pieux ont un certain statut auprès d'Allah Azza wa Jal, ont un rang élevé, d'accord ? Bien qu'ils ont ce rang-là, ils ne méritent pas l'adoration. Et puis même les autres, les animaux, les pierres. Pourquoi en fait les deux groupes ne méritent pas l'adoration ? Oui, pour Barakallahu fik. Parce que le seul, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah. Et on doit adorer que celui. Il y a combien de créateurs ? Il n'y en a qu'un seul. Qu'un seul créateur, Barakallahu fik. Donc il faut, lorsqu'on sait que c'est Allah qui nous a créés, on doit n'invoquer, n'adorer, placer notre confiance et tous les actes d'adoration, on doit ne les vouer qu'à Allah Azza wa Jal seul. On ne doit pas se tourner aux créatures, Barakallahu fik. Pas aux créatures. Les créatures ont été créées par Allah Azza wa Jal. D'accord ? Elles ne peuvent ni nuire, ni se protéger. Les statues que les gens adorent. Il y avait un festival, je crois que c'était en Inde, et ils avaient leur divinité. C'était un éléphant et tout ça. Vous voyez, c'est celle que leur divinité qui a une tête d'éléphant. Elle penche, elle tombe par terre. Subhanallah. Alors, celui qu'Allah Azzawajal lui a donné la clairvoyance, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, subhanallah, elle n'a pas pu se défendre et elle est tombée, elle s'est cassée. Mais voyez comment le shaitan va embellir dans la tête de ces gens-là, là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Si elle s'est abattue sur des gens, celui-là a fait quelque chose de mauvais, donc il l'a puni. Vous voyez comment le shaitan il va jouer ? Hein ? Ils ne vont pas reconnaître le fait que ce tas de pierres, d'accord ? Qu'ils l'ont mis au rang de divinité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mis à l'adorer, alors qu'il ne peut rien faire. Et il a été créé, il suffit de le pousser, il tombe par terre, il est tombé par terre, il s'est cassé. Ah. Vous voyez, subhanallah. Ils ne méritent en rien l'adoration. Ce sont des créatures. Allah Azza wa Jalla t'a donné ce cœur qui bat, tu t'en rends même pas compte. Il t'a donné ce sang qui coule dans tes veines, et tu t'en rends même pas compte. Tes neurones sont en train de fonctionner, des milliards de connexions, subhanallah, dans le cerveau, qui font que on peut respirer. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on peut bouger nos doigts, on peut rester à regarder comme ça et puis en clignant des yeux, en avalant notre salive, réfléchissant aussi à quelque chose, je sais pas. Subhanallah, écoutez. Subhanallah wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Et si vous comptez tous les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez pas à les comptabiliser. Donc Allah Azza wa Jal, il te donne tout ça. Et cet individu-là, il va se tourner vers une créature. Ou vers une tombe, ou vers une statue, ou vers une vache. Subhanallah. Yani, il faut. Yani, mais, yani, ça, c'est la plus grande des injustices. Plus grande des injustices. Invoquer ou adorer autre qu'Allah. Alors qu'Allah, Azza wa Jal, c'est lui qui t'a donné tous ses bienfaits. Et c'est lui qui t'a créé. Et qui a créé tout cet univers. Wa dalil al-shams. Wa al-qamar. قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil et la lune et la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 37 de sourate Fussilat. La troisième règle. Parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Si c'est lui que vous adorez. ومن آيات الله الكونية الدالة على وجود الله تعالى على قدرته وإرادته وعلمه من يتذكر ويتفكر في هذه المخلوقات يعلم تمام أن لها خالقا قادرا عالما حكيما. سبحان الله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن لأن هذه الأشياء مخلوقات والمخلوق لا يستحق العبادة مهما عظم في نظر العبد. Parmi les signes évidents prouvant l'existence d'Allah, le Très-Haut, son pouvoir, sa volonté, sa science, celui qui médite, qui pense concernant ses créatures, le soleil, la lune, le jour, la nuit, il se rendra à l'évidence que toutes ces créatures ont un créateur qui contrôle tout et qui sait tout. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, car ces choses sont des créatures. Et la créature ne mérite en rien d'être adorée, peu importe l'importance et le statut qu'elle prend aux yeux de l'individu. D'accord ? In kuntum iyyahu ta'budun. أما إن كنتم مشركين فدينكم باطل كل ما يريد أن يعبد الله وحده لا يسجد لهذه الأشياء النهي عن السجود لهذه المخلوقات يشمل النهي عن السجود لأي مخلوق كائنا من كان. دونك الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله mentionne bien que donc si c'est Allah que vous adorez, donc ne vous prosternez pas pour ces choses-là. Mais si vous êtes polythéiste, votre religion est nulle et invalide. Tous ceux qui veulent adorer Allah exclusivement ne doivent pas se prosterner à ces choses ou à ces créatures. L'interdiction de se prosterner pour les créatures dans ce verset englobe également toutes les créatures. Peu importe qui elles sont. Peu importe qui elles sont. Je pense qu'on va terminer avec ce hadith du prophète sallam. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظام حقه ولكن لا سجود إلا لله. مهما يكون الإنسان حقه عظيم حق الزوج على الزوجة لا يستحق السجود غير الله سبحانه وتعالى. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si j'avais ordonné à quelqu'un à ce qu'il se prosterne pour un autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme à ce qu'elle se prosterne à son mari de par le droit important qu'il a sur elle. Cependant, il n'y a pas de prosternation excepté pour Allah. Hadith est clair, il n'y a pas de prosternation excepté pour Allah. Peu importe l'importance du droit de l'individu, tel que le droit du mari sur sa femme, rien ne mérite la prosternation excepté Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut. D'accord. وعلى هذا الذين يسجدون على عتبة الشيخ ويتوجهون إلى القبور ويسجدون بدعوة تعظيمهم ومحبتهم وينكرون أن يكون ذلك عبادة وأن ذلك السجود ليس بعبادة ولكن تعظيم للشيخ ومحبتهم لأولياء الله هؤلاء يغالطون أنفسهم قبل أن يغالطوا غيرهم وما أكثر المغالطين في هذا الوقت الله المستعان. Parmi ceux-là, il y en a qui se prosternent aux pieds de leur cheikh. Des vidéos qui circulent hein, sur YouTube. Ils se réunissent, ils dansent dans la mosquée, tout ça. Et donc il y a leur cheikh qui est assis. Et eux, ils viennent et ils font un soujoud à ses pieds. Subhanallah. Hein? Ils se prosternent aux pieds de leur cheikh. Et ceux qui se dirigent vers les tombes en s'y prosternant, prétendant par cela qu'ils ne font que leur montrer du respect, leur donner de l'importance, leur montrer leur amour. Et ils renient en plus, subhanallah, ils font ça, mais ils renient en plus de cela le fait que cela est une adoration. Ils disent non, on n'est pas en train de les adorer. On est en train de juste leur montrer notre amour et leur donner de l'importance. Hein? Et que cette prosternation-là n'est pas une adoration. Ceux-là sont en vérité en train de se tromper et s'induire en erreur avant d'induire en erreur les autres. Et combien sont nombreux ceux qui induisent en erreur à notre époque. Qu'Allah nous vienne en aide et nous supporte. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير ان شاء الله on continuera la semaine prochaine sur ce sujet et mercredi sur inchallah le fiqh